Oui, on va commencer sur nos choses qui me sont, moi ça va être moins dans les cartes, mais il y a 80 000 mais là, je demande des rideaux, mais je sais pas regarder quoi ça coûte. Il n'y a pas les moyens financiers, puis bien sûr, je vous dis, pour une intelligence, je ne veux rien savoir, mais écoutez, la soirée, ça va très très bien. C'est une maudite bonne émission, c'est pas une des meilleures, mais c'est dans le trois quarts du temps. Oui, trois quarts, hein? Oui, mais c'est bon, oui, c'est bon. Hein, pardon? Le micro est branché? Voyons donc, je voulais demander, dites-moi, ok, on y va, on tourne! Là, mais c'est ça. Là, ma régisseuse, à chaque vendredi, elle me dit hey, c'est pas du cinéma qu'on fait. Ben voyons donc, toi. On construit un imaginaire. On amène des scénaristes, des scénaris. Qui rira le bernier sera berné par l'unisson. L'unisson qui berne est un unisson qui ne revient plus. C'est comme le boomerang. Quand tu le lances, là. Quand ça fait 2h15 que tu l'as envoyé et qu'il ne revient plus, là, va-t'en donc, il t'a encore abandonné. Là. Écoute, faut que je te raconte mon univers. Non. Ah oh, oui. Tu me parlais de boomerang. Oui. Boomerang, oui. J'en ai tiré deux. OK. On n'est jamais revenu. Oui. J'ai rencontré deux jeunes filles. Oui. Ils m'ont dit, hey, dans un bar, OK? Ah, oh, c'est bien de le dire, dans un bar. Oui, c'est dans un bar. Un bar. Un bar. Un B-A-R, bar. Ils se sont barrés. Attendez, non, c'est pas. Oui, c'est vrai, là, mais c'est pas comme ça que je veux le dire. Alors, il y a deux filles dans un bar. Et là, elles m'ont dit, attends, je reviens. À un moment donné, il était minuit et quart, là. Il dit, attends, je reviens. 3 heures, là, le bar, l'homme de bar m'a dit, hey, on va fermer. On peut pas fermer, il dit, la jeune créature est aux toilettes au deuxième étage. Aux toilettes au deuxième étage, on vient d'y faire, les toilettes. Et puis, elle était là, hein? Personne aux toilettes au deuxième étage. Mais voyons donc, toi. L'avez-vous vu? Comment, ça va bien? Oh, ça va très bien. L'avez-vous? Ben, allez, ça va, vous? Ben, ça va très bien. J'ai rencontré Eugène. Ah, mon Dieu, Eugène. Issu, qui s'est su? Qui s'est su a répondu? Ben, là, Pedro. L'avez-vous vu monter? Ben, non. OK, puis les toilettes? Sont propres, mon gars. On a trouvé des choses étranges. Oui. Des mots derrière les cabinets. Ah, mon Dieu, les cabinets qui dévoilent des choses. Oui, oui. Donc, un message. OK. Qui dit ceci. Oui. Au gros gras en bas, je te quitte. Au gros gras en bas, je te quitte. C'est signé que... J'espère que c'est pas signé Georgette. C'est écrit Georgette Bibelot. C'est la fille que j'avais envoyée, qui avait venu ici, puis je pensais que c'est moi le gros gras. Mais trouvez-vous gros gras? Ben, vous êtes un gros gras. Consécutivement, votre intérêt mort. Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Attention, rends pas ridicule. Moi, je rends pas hommage à Rita Bibelot. Comment ça? Parce qu'elle ne vaut pas la peine. Mais voyons donc, c'est notre chercheuse préférée. Préférée parce que tu ne la payes pas. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi je paierais quelqu'un qui est en formation? Ça fait 22 ans. Ben oui, 22 ans qu'elle se forme, là. Puis j'aime ça. Quand elle se forme, plus elle se forme, plus elle se ferme. Oh! Si on se rend pas, dirait, hey, John Gene Baker est mort. John Gene Baker. On rend hommage ce soir à John Gene Baker. Il y a 3 mois, il a décédé. John Gene Baker, celui qui avorta d'une histoire. Ah oui. Oui, d'une histoire à bracalabrante. Puis pouf, il a disparu. À quoi bon faire cette émission? L'histoire, c'est quoi? C'est tué d'elle-même? Ben oui, c'est avorté. Avorté. John Baker. L'homme qui avorta de toutes les idéologies qu'il amena dans ses visions surréalistes. Pourquoi tu fais des gestes comme ça? Ben, à radio, ça se voit pas, ces gestes-là. C'est à la TV que les gens vont pouvoir consommer mon hurluberluse. Consommera absolument rien. Ils vont examiner que c'est un être qui est en captation intellectuelle des plus... extraterrestrienne. Ah, mon Dieu, extraterrestrienne, moi, je l'appelle plus. Hein. Non, au début, elle me dit, « Bonjour, Renard, je t'écoute régulièrement. Peux-tu communiquer? » Là, communiquer, moi, avec les médiums, ça m'intéresse pas, moi. Ni les sphèltes. Je veux les données, là. Les données. J'ai dû peut-être prendre ton numéro, là, mais je l'ai perdu en chemin. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, j'ai un mâchoir qui décroche, moi, là. Nous mâcherons, squeezerons des ailes. C'est bien, le public va aimer ça. Il risque d'applaudir. Pourquoi? Il n'y aura plus de son. Ben, c'est ça le clou. Ah, mon dieu. Éplucherons des abirons, poursuivrons et lèveront à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, dit-il en bougeant le micro. C'est tout doux. C'est tout doux, tout doux. Angle, afin de aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe album. Chez nous, un bum, là, c'est quelqu'un qui est un peu comme James Dean, là, qui se promène, tu sais, avec le côté rouleur là, dans les ruelles, là, puis frappe-moi, je vais te tapocher la gueule. Là. Te tapocher la gueule, te la claquer la gueule. Ferme ta bouche, oui. Ouvre tes yeux, oui. Tu verras, ça ira mieux. Ferme tes yeux, ouvre la bouche, tu verras, ça ira mieux. Ah, ah. Non, c'est ah. Ah, dans la gueule. Ça, c'est ma formation, l'idée que j'amène devant ces ruelles. Je dis au personnage devant moi, là. Attention! Comme Houdini. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, tu verras, ça ira mieux. Ah, là, la personne fait ah, pow! Là, bien sûr que je suis en... J'ai un distributeur, j'ai quelqu'un qui me donne des dividendes. C'est la... c'est le dentiste Ouellette et Bette. Ouellette et Bette, qui est la sœur de Babette Bibeau. Elles font des prothèses dentaires. Ils arrachent toutes les dents que moi, j'ai commencé à péter, là. Ils font des prothèses, et puis j'ai 25% là-dessus. Je me cache dans la soirée entre deux poubelles. Je vois un petit couple, là. Oh, je t'aime, ça sent vrai. Puis là, j'arrive. Oui! Jinx Bean. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, tu verras, ça ira mieux. Ah, là, les gens font. Ah, pow! L'ambulance arrive. Oh, il faut l'envoyer à la dentisterie. Puis là, oh, j'ai de l'argent. C'est comme ça que je me fais connaître, là. Puis à un moment donné, il y a un grand producteur d'Hollywood qui s'appelle Irish Ping. Es-tu sûr, c'est Hollywood ou Japon? Non, c'est Irish Ping qui... Oui, c'est bien ce que tu dis là. T'es pas un imbécile. Ça paraît... Tu parais très, très con. Mais plus tu parles, plus tu cales. Plus tu cales, plus on aime ça. Mais c'est... Oui, exactement. C'est le grand, là, celui qui a fait reconnaître la belle Nicole Bigman dans « Lève-toi, le chapeau te fait ». Parce qu'elle était assise sur le chapeau. Puis là, l'empreinte de son fessier est restée. Et sur eBay, je l'ai acheté 275 000 piastres. Puis ils m'ont dit, ben oui, on dose pas le fessier de Nicole. Je dis, moi, j'ai déjà connu Nicole. Nicole a voulu me rencontrer à plusieurs reprises et j'ai refusé. Je suis pas un gars facile. J'ai déjà dit dans d'autres émissions, là, je pense il y a 2 semaines ou 3 semaines. Non, la semaine dernière. Avez-vous l'enregistrement? Oui. Est-ce qu'on peut l'entendre? Non. Pourquoi? On n'a pas de droit d'auteur. Ben voyons donc, c'est mon émission. Ah, on n'a pas de droit d'auteur. Ben, appelez-moi. OK, on va vous appeler. Rénal? Oui, c'est qui? Rénal? OK, oui, c'est moi? Rénal? Oui. OK. Ça va? Ça va. Hein? Oui. OK, Rénal, excusez-moi, Rénal? Et ça va pas, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est un trouble, je parviens pas. Oui. Rénald? Oui. OK, Rénald Gagné? Allô? Oui. Vous êtes... Il me semble que c'est pas lui. Il est quoi, dans un coma traumatique? Vous l'avez fait boire du heavy Crystal Green? Oui, c'est moi, Rénald. OK, Rénald Gagné? Oui, c'est moi, Rénald. OK, Oui. Rénald? OK, Rénald, j'ai ici Rénald Gagné. OK. Rénald Gagné, c'est bizarre, là, parce que tu fais une émission qui s'appelle Errance Rénaldienne. Rénald Gagné, c'est bizarre, là. Les gens sont traumatisés. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Si tu pêches la pitoune, tu lâches la pitoune. Oui. OK. Est-ce qu'on l'a, Rénald, en ligne, Rénald Gagné? Oui. OK. Tu fais l'émission Errance Rénaldienne, mon Rénald? Oui. Parle pas plus vite que je réponds, OK? Oui. Rénal? Oui. C'est moi, Rénal? Oui. Ça va bien, Rénal? Oui. Tu fais une émission RSNLDienne? Oui. Ben, c'est la mienne, hein? Allô? Oui. OK. Hey, c'est facile, tu payes sa pétoule. Oui. Oui, bon. Hey, Rénal, on a un problème. Allô? Oui. Hey, lâche-moi pas. Hey, tiens la ligne. Oui. OK. RSNLDienne, ton émission, oui? Oui. OK. Là, il y a un problème. Oui. Tu sais, il y a toujours des problèmes. Oui. C'est pour ça que ça fait des bonnes émissions, hein? Oui. OK. Hey, les droits d'auteur, toi, ça te dérange pas? Oui. Ça te dérange? Oui. Tu veux faire de l'argent avec ces émissions-là? Oui. Rénal? Oui. C'est Rénal? Oui. Es-tu malade? Oui. Tu veux faire de l'argent avec cette émission-là? Oui. Comment tu peux faire une maudite scène avec de l'improvisation aussi barbatine? Oui. Hey, attends un peu, là. Hey, j'ai le cœur qui palpite, j'ai la lumière qui vit rigide et j'ai l'iris qui goupille. Déjà là, là. Oui. OK, cette phrase-là, là. Oui. Ça tient pas le nord. Oh. Tu veux pas parler, hein? Oui. OK. Ça tient pas le nord, ça? Oui. Crois-tu qu'il y a des individus qui vont payer pour entendre ça? Oui. Tu es un malade. Excusez-moi, là. Rénal Gagné, c'est un malade. T'es un malade? Oui. Ça, c'est un numéro schizophrénique, ça. Oui. Tout le monde a un profil psychologique, hein? Oui. Puis toi, tu sais quoi? Oui. Excuse-moi, c'est lequel? Allô? C'est lequel? Oui. Bon. Je pense que ça commence à être long, cette affaire-là. Oui. Là. Mais là, les droits d'auteur, là, on peut pas les libérer. Oui. Oui, ah, OK. Tu veux pas faire d'argent. Tu veux pas être millionnaire. Oui. Alors, on peut-tu entendre la semaine dernière? Oui. OK? Alors, on demanderait à Jocelyn, la semaine dernière. On peut-tu aller dans les archives? Oui. Là, faire de l'argent en même temps? Oui. OK. Là, hey, Hong Kong a... Oh, excuse-moi, j'avais oublié de te dire ça à la réunion tout à l'heure. Hong Kong nous a appelé pour le Radioton de 2012 parce qu'ils ont trouvé ça extraordinaire. Puis, ils voulaient avoir le numéro où on fait la recette du pâté chinois à Hong Kong. Puis, ils voudraient acheter ça 250 yens. 250 yens, comment ça donne en québécois, en argent québécois? Oui. Oui, hein? C'est-tu de l'argent québécois, hein? Oui. Oui, hein? Parce que Pauline a gagné. Oui. On est un pays, Québec est oui. OK, vive le Québec. Oui. Oui. OK, est-ce qu'on peut chanter Jean du pays? Oui. Ah, mon Dieu, arrête, là. Je suis comme au plaisir solennel, là, hein? Jean du pays, c'est notre tour de nous laisser parler d'amour. Hey, Rénal? Rénal? C'est le temps d'arrêter, hein? Oui. OK, c'est comme ça. Oui. Oui. Alors oui, monsieur. Aujourd'hui, le vendredi 16 août 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Mais l'écho, Germaine. Bon, pas celle-là, pas celle-là. La 13, 17, 22, 43, touchez pas vos cartes. Bingos. Ça va bien, J'essaie de me convaincre qu'il en est rien. Que ça va mal, ça va très mal. La planète explose. Germaine explose. Suzanne implose. Arrête, tu vas péter le 40 dents. Mais c'est ça l'implosion. Entièrement, t'es trop intelligente pour le peuple. Tu devrais arrêter de tricoter. Ah non, ça m'amène le cartésianisme. Comment ça? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. OK. Aujourd'hui, le vendredi 16 août 2013. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 was the cost. It was to buy a cart and horse. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck in the pillow beneath me head. Don't you know that Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Round the corner, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Friends, I'm never to love again. All my money gone in vain. Matilda, she grabbed me money and run Venezuela. She's a grabber. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. For the last time, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Mais vraiment rien à foutre. Parce que si tu commences à te poser la question, tu fais jamais rien. Ouais. Donc faut suivre sa ligne de conduite. Et se dire que bah ouais, j'ai 39 ans et je t'emmerde, je fais mes morceaux et je t'emmerde. Un peu comme Catherine, j'ai 30 ans et je vous emmerde. Mais c'est ça, et non mais oui, parce que ouais. Je suis complètement partisan de ce genre de choses, parce que si tu commences à écouter tout le monde en disant des pseudo-jurys qui vont te dire oui mais alors là tu es trop comme si, oui mais alors là tu vois ça ne va pas. Mais merde, ouais. Voilà. Donc ouais. Je fais mon truc et je sais que j'ai un public qui me suit depuis super longtemps. Quand j'ai commencé et qui adore ce que je fais. Mais est-ce que tu prépares un album? Oui, bien sûr, okay. il va être fini cet été. Oui, okay. Oui. Sur combien de pièces? Une dizaine de chansons, une dizaine de... On n'a pas tout sélectionné encore, mais on ne sait pas si on mettre 11 ou 12. Okay. Pour l'instant, mais c'est en 11, gestation. 12, c'est en gestation. Enfin, okay. C'est même plus qu'en gestation, c'est en finition. Okay. Là, as-tu on une maison de disques qui va être. Là, pour l'instant, on n'en a pas. C'est pour l'instant, ouais. Pour l'instant, okay. C'est de l'autoprod. On se démerde tout seul comme des grands. Okay. Et aussi. Puis, s'il y a, bien sûr, on ferme pas la porte. On récolte l'argent aussi entièrement, contrairement à une compagnie de disques qui va prendre 60% des ventes. Donc, toi, t'en fais pas beaucoup. Faut pas fermer la porte à une major, il faut pas fermer les portes à des gens qui veulent vous produire dès lors qu'il y a quelque chose d'un contrat qui est signé, qui est correct, etc. Le tout, c'est de se pas. Mais il y en a de moins en moins avec Internet, peut-être. Oui, déjà. Et puis, je pense que sur YouTube, voilà, faut un visuel aussi. Ouais. Donc, j'ai fait une chanson qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement, ouais. Qui est en anglais, qui s'appelle The One. Pourquoi en anglais? Alors, c'était un choix délibéré parce que elle cadrait mieux en anglais qu'en français. Ok. Et que c'était un espèce de d'hommage à James Bond, en fait, et que ça pourrait éventuellement, je te l'enverrai si tu veux. Ouais, je sais pas si je crois que je te l'ai envoyé le clip hein, d'ailleurs sur Facebook. Ah, le clip, oui. Je sais pas si tu l'as vu le clip. Alors, c'est un clip sans prétention, hein, qui a été réalisé un peu à l'arrache, sans moyens, sans rien du tout. Entre amis, voilà, exactement. Mais au moins, on l'a fait. Voilà, je veux dire, je préfère faire ça que de ne rien faire. Et c'est vrai que ça a été fait sans moyens, ça a été fait en quelques heures, ça a été fait de manière très simple, sans prise de tête et sans prétention, mais vraiment aucune. Ça a plu à beaucoup de gens. Après, il y a d'autres qui nous ont dit « Ouais, bon là, ça va pas parce qu'il vous manque ci ou ça. » Évidemment, c'est des professionnels. Ah, ça, c'est au niveau cinématographique. Voilà, ouais. C'est des professionnels, des amis professionnels qui nous ont dit « Ouais, mais là, ouais, bah, ok mon gars, bah, viens le réaliser, viens, pas de soucis, tu veux le faire, il n'y a pas de problème. On n'a pas de sous pour te payer, tu veux le faire quand même ? Ok. » Et donc voilà, donc on fait les choses un petit peu nous-mêmes parce que de toute façon, si t'attends trop les autres, tu fais jamais rien. Et il faut continuer d'avancer, il faut continuer de mener sa barque. Et puis voilà, et puis pour l'instant, on est très fiers de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et quoi. Tu fais combien de concerts par année? Une dizaine? J'essaye. Okay. J'essaye. Là pour je te dis, le dernier gros concert que j'ai fait, c'était vraiment la scène Bastille. Parce que En janvier, parce que mon compositeur, qui est devenu un ami maintenant, et mon arrangeur avec qui je travaille depuis 5 ans maintenant. C'est ce que je vois sur l'affiche, c'est monsieur Barbu. Barbu. Bah, une barbe ou noir, les cheveux noirs ou non, ok, c'est pas lui. Mais est-ce que je te vois sur une affiche à un moment donné avec un. Ah, c'est peut-être André. Ah oui, c'est ça. C'est André avec qui j'ai fait un concert l'année dernière. Oui, Barbu. Barbu. Ah, c'est ça, ouais, exact. C'était ah, Bélène VS c'est André. Ça, exact. Alors là, c'est différent. André Fernandez, c'est un artiste de grand talent que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa musique et ses textes. Et on a décidé de réunir nos deux univers pour n'en faire qu'un, en fait, sur un concert. Okay. Et moi, j'aime beaucoup le partage, en fait. J'aime beaucoup faire des feats avec des gens et partager. Tu n'as pas encore assez de chansons aussi pour faire un spectacle de 2 heures avec aussi. Un autre. Ah oui. J'ai une vingtaine de morceaux. Hein. Okay. J'ai une vingtaine de morceaux. Mais pourquoi tu aboutis en dis que tu parce qu'on ne peut pas en mettre 20 sur un album, en fait. Non, mais tu aurais pu en faire un avant. Non, okay. c'est très curieux. J'ai fait beaucoup de morceaux il y a déjà plusieurs années que j'ai laissé comme ça parce que j'avais pas fait la rencontre qui me permettait d'avancer. Ça n'avait pas fait tilt dans la tête avec la personne qui permet voilà, qui comprend tout ce que tu lui dis au niveau composition, qui est capable de te faire un arrangement sur un truc, sur un morceau que. Quand tu arrives chez lui, bah tiens, Joe, j'ai un nouveau morceau, je vais te le chanter. Parce que quand j'écris, j'ai aussi la composition dans la tête. Et c'est comme si dans mon cerveau, le morceau était déjà tout fait. Donc j'entends tous les instrus, j'entends tous les trucs. Ce qui me fait dire aujourd'hui par mes amis musiciens qui me disent « N'hésite pas à dire que tu es musicienne, même si je joue pas. Okay. Je joue pas d'un instrument, mais j'entends toute l'instru dans ma tête et j'entends le rythme. » C'est un la mineur ou... Je peux pas dire la note, mais je peux te le chanter. Ah ouais, ok, ouais. Je peux te le chanter, je peux te faire des tierces et je peux t'expliquer ce que je veux en le faisant. Okay. Je peux même te jouer le solo de violon avec les notes que je voudrais, mais je peux pas te dire là je veux un la mineur ou je veux un si bémol ou je veux... Je peux pas. Là, est-ce que tu veux étudier la musique éventuellement ou... Je commence à prendre, à force de traîner avec des musiciens et de travailler avec des musiciens et des gens qui s'y connaissent, tu finis par retenir des choses et par te dire ah oui là c'est ainsi que t'as fait, là c'est par apprendre. J'apprends sur le tas. Sur le tas, exactement. J'apprends beaucoup. Je suis une élève. Autodidacte. Tu travailles tout seul. Autodidacte. Ben, ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, j'ai ressorti comme ça des vieux textes que j'avais depuis X années. Après, j'en ai écrit. Adolescente? Non, l'âge adulte, mais je devais avoir 22, 23, 24 ans. Voilà. Et c'est des choses comme ça que j'avais fait. Et là, j'ai pioché des choses que j'avais fait. J'ai réécrit des nouveaux trucs. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, le tiroir dans la tête, il s'est ouvert. Et je me suis mise à écrire. Et j'avais tout le temps des musiques dans la tête, etc. Et toutes les semaines, j'arrivais avec un nouveau morceau chez Joe. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés avec une vingtaine de morceaux. Et donc, du coup, de quoi faire un album, et même deux. Parce qu'avec 20 morceaux, tu fais deux albums. Et donc, on travaille vraiment les titres phares. Il y a encore des chansons que j'ai dans la tête, que j'ai enregistrées, qu'il faut que je travaille, qui ne sont pas encore abouties, qui ne sont pas faites, mais je prends mon temps pour déjà faire correctement celles qui existent déjà et faire quelque chose de bien, de sympa, de dansant, avec des textes rigolos par moments ou un peu graves. Nous, on a appelé ça de la pop mood. Pop mood, c'est de l'humeur populaire. Okay. Voilà, c'est ce que tu penses le matin en te levant. Si t'es en pétard contre quelqu'un, tu vas écrire. Ah oui, ok, ok. Si le soir t'es de bonne humeur, tu vas écrire quelque chose de ça. C'est des idées de la vie quotidienne. Ah, okay. Je peux écrire sur une tasse à café si tu veux. Tu vois, c'est vraiment des choses. Et t'as une formation académique classique, non? J'ai aucune formation. J'ai pris des cours de chant quand j'étais jeune. Non, mais les études, c'est quoi au lycée? T'as un bac? Non, c'est j'étais dans une école de tourisme, d'hôtesse et de tourisme. Et. En touriste, d'ailleurs, parce que j'étais pas très bonne élève. Je passais ma vie à écrire dans mon cahier. On m'a offert un cahier pour écrire quand j'avais 9 ans. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté. Okay. Je n'ai pas arrêté d'écrire, en fait. Et j'adore écrire des nouvelles aussi, des histoires. Ouais. Des, est-ce que tu publies? Pas encore, mais j'aimerais bien. Okay. Pas encore, mais j'aimerais bien. Ou sur Internet, tu peux me présenter. Ouais, je sais. Ouais, y avait, j'ai failli faire un concours... de nouvelles, mais c'est que des femmes écrivains qui s'appellent Muse, le concours Muse, et Et finalement, bah, là, je peux pas tout faire. Le problème, c'est que de s'organiser. Ouais. L'écriture, ça prend du temps. Ouais. Aussi bien des chansons qu'un roman, que des nouvelles. Il faut s'asseoir à une table et puis écrire pendant des heures et des heures. Ouais. Et c'est vrai qu'avec la vie que j'ai, bah, c'est soit ça, soit une séance d'enregistrement, soit mes morceaux, soit donc. Il y a un moment donné, il faut choisir, quoi. Ouais. Donc, il faut se concentrer sur une chose à la fois. Et, mais j'ai pas abandonné l'idée, j'écris de temps en temps. Mais as-tu un boulot de subsistance ou si tu te consacres entièrement à la musique? Dans l'événementiel. Quand je travaille, c'est uniquement dans l'événementiel. Et c'est avec ça que tu peux te ramasser un peu dessus? Ça paye bien. Okay. Ça paye bien, c'est sûr. Événementiel, tu veux dire quoi par... Chef hôtesse pour des événements, okay. Dans l'organisation d'événementiel. Alors, okay. J'avoue que j'ai une nette préférence aujourd'hui, comme j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Je peux choisir de travailler dans un secteur d'activité qui me plaît. Okay. Et okay. C'est toujours la mode, okay. L'artistique, la mode, la presse, okay. L'édition, voilà. Tout ce qui est dans les bouquins ou dans la mode, dans la presse. Alors, s'il y a un lancement de livre, c'est toi qui vas... Exactement. Je vais essayer de me placer dessus pour pouvoir y travailler... Êtes-vous plusieurs à fonctionner Je passe par des agences, okay. En fait. Okay. Est-ce que c'est eux qui t'appellent ou C'est eux qui m'appellent en général, okay. Ouais, parce que ça fait longtemps que je travaille. Je travaille avec 2-3 agences comme ça en parallèle. Okay. Et quand ils ont un truc intéressant, ils m'appellent. Ah, Creole gal, how you love your bacchanal. Ah, you see them Creole gals, boy, how they love their bacchanal. I mean, they move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start up polishing, lordy lord, how they love romancing. When you see them on the street, they got their rhythm in their feet. Yes, they are born Creole, they got their rhythm in their soul. I mean, they move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start up polishing, lordy lord, how they love romancing. When you see Miss Dorothy, what a personality. Yes, she is super fine, all the fellows fall in line. I mean, she move her hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then she start the polishing, lordy lord, how she love romancing. When they hear the calypso, then the dancing starts to go. At the jump of carnival, you should see them Creole gal. I mean, they move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start to polishing, lordy lord, how they love romancing. That steel band play the beat, how they shake from head to feet. Times in Trinidad is good, when they're dancing how they could. Move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start the polishing, lordy lord, how they love romancing. Move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start the polishing, lordy lord, how they love romancing. Oh, My, my, my. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai pris des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. Oh ya ya, j'ai attendu, attendu, et nous sommes venus. Zin, zin, zin, zin. Zin, zin, zin, zin. Zin, zin, zin. Pauvres musiciens qui m'écoutaient, vos oreilles sont malheureusement torchées. Torchées? Par l'amateurisme de ma rythmique. Ça, c'est parce que je commence à avoir tranquillement, Mme Tremblay. Je ne veux pas non plus vous alarmer, là. Séchez vos larmes. Le cancer du poignet. J'ai perdu ma femme en 1792, moi, là. Puis en 2013, je me suis dit, prends-toi en main. En même temps, je me suis dit, lâche-toi ça, mon petit numéro. Tu commences à avoir les rotules du poignet trop marquées par le mouvement répétitif. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ah, je me pratique au poignet, le tir au poignet, le redressement du poignet, le va-et-vient du poignet. Le va-et-vient du poignet, c'est ainsi que mon temps, c'est ainsi les enfants que je reviens maintenant. Le revers du poignet, c'est comme ça, c'est comme si, mais c'est vous, animal, c'est ma vie, c'est ma femme. C'est ma femme. Oh, monsieur. Aujourd'hui, le vendredi 16 août 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les vallées trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, si... Attendez, là. Si vous avez des problèmes à l'école, c'est parce que vous étiez en retenue cet été, là. Vous n'avez pas réussi votre cours de mathématiques, votre cours de français. Moi, j'ai pas réussi mon cours de Facebook. Comment ça? Mais je suis pas capable d'envoyer des photos. Bon. C'est simple. Moi, j'ai acheté un ordinateur. Oui, c'est bien ça. Pour envoyer des photos sur Facebook. Quelle sorte de photos? Ben, des photos de moi. Oh, pas nécessaire. Non, les gens veulent me voir. Mais je ne crois pas, mon petit. Oui, en fait, c'est ma tante Lucette. La tante Lucette qui me dit « mon petit chérubin », parce qu'elle m'appelle mon chérubin. Ben voyons. Ben oui, parce qu'elle me voit pas souvent. Ben vous avez quel âge, monsieur? 38 ans. Mais je peux être un petit chérubin de 38 ans, il n'y a pas d'âge pour être un petit chérubin. C'est vrai. Alors ma tante, elle me demande des photos. Pourquoi? Ben parce qu'elle fait longtemps qu'elle m'a pas vu. Ouais, mais mieux vaut qu'elle reste sur une belle image de vous. Oui, mais regarde maintenant. Ouais, mais... Photoshop, hein? Photoshop. Ouais, ça choque, Photoshop. Ouais, mais faut pas qu'elle se choque, là. Non, j'ai pas dit de se choquer. Photoshop. Photoshop, mais je pas choqué. Monsieur, j'ai pas parlé du fait de se choquer. J'ai dit d'utiliser un logiciel pour retaper vos photos. Ben, je vais pas les taper. Ils m'ont rien fait, moi. Hey, envoyez-moi ça, cet imbécile-là. Êtes-vous mal de CQRL? Mais je l'aime, CQRL. Oui? Qu'est-ce que CQRL? C'est un T-shirt. Oh, c'est qui porte le T-shirt de CQRL? C'est Renan Gagné. Bon, OK. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés. Mais c'est plus qu'un T-shirt, hein? Non, mais c'est 6 T-shirts et 6 T-shirts de CQRL. Oui, mais il faut pas... ça s'appelle Gaminet. Gaminet. Non, c'est un T-shirt. T-shirt, bon. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot ou issus boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse Bélaine Ferris. Bélaine Ferris est une personnalité multiple. Psychologue, n'appelez pas, s'il vous plaît, à la station de CKRL. Ce n'est pas une patiente pour vous. C'est une artiste. Tout artiste doit avoir de multiples tentacules, des horizons explosifs, une vision explosive de l'univers, des gens, de l'humanité, de la société, bref, du noyau dans lequel nous vivons. Le noyau. Noyau. Noyau. Noyau. Noyau. Belen Ferris est une personnalité multiple. On est d'abord impressionné par une fille pleine de classe, allure mannequin, puis on découvre des éclats de rire, une grande spontanéité et de l'humour. Elle ne mâche pas ses mots, mais elle les dépose sur des mélodies populaires qui trottent dans la tête. La scène, elle adore, que ce soit dans l'ambiance feutrée des pianos-bars du quartier latin, pas à Québec, là, mais à Paris, ou au milieu des musiciens du Café Fou, animé par un esprit de troupe. Ce qui la caractérise, c'est la générosité. Son album simple de 2 titres, extrait de son futur album « Version érotique », est le fruit de rencontres artistiques au sein de Bestaven Productions, dont elle est l'égérie. Ça va bien? L'égérie, merci. Pop Mood, chanson d'humour, d'humeur en français, mais aussi en anglais et en espagnol. On tombe sous le charme de ce cocktail détonnant de glamour et d'exubérance. En juillet 2012, Errance Renaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette fille des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, alors place aux mots. Place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement. En Irak, en Égypte, en Syrie, en Somalie, partout on s'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on s'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on s'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on s'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus fort. Je t'ai pas vu. Ah oui, moi j'étais persuadée que c'était là. Oui, oui, c'était là. Comme tu m'as dit que la place verte. C'est vrai. En plus, tu sais qu'il y a un autre journaliste, une autre nana journaliste en train d'interviewer le rappeur Puccino là. À gauche là. Et je me suis dit, bon, mais c'est peut-être le rendez-vous des. Non, bah c'est ici, oui. Voilà, je me suis dit, alors je suis au bon endroit et tout. Et j'ai cru que t'étais parti. Non, pas du tout. J'ai cru que t'étais parti. Je me suis dit, merde, il m'a pas attendu. Parce que je suis arrivée entre la demi et moins le quart. Ok. Parce que je suis pas sortie, j'ai pas pris la bonne sortie de métro. La même chose. J'ai galéré à marcher, à remonter toute la rue d'Oberkampf. Je me suis dit, merde, tu es en retard. Je courais. Et moi aussi, j'ai couru. Bon, en fait, on s'est sans doute croisés. Exactement, ouais. Exactement. Écoute, il n'y a pas de souci. Tu es là, je suis là. Oui, voilà. C'est... Et puis voilà. C'est le but. Alors, du coup, je vais reprendre un petit kawa. Oui. Et puis, Oui, le rappeur est là-dedans. Oui, Puccino. Ah, ouais, oui, je connais, mais oui, c'est un grand rappeur. C'est Oxymo. Puccino, Oxymo. Ouais, Oxymo, Poitimo. C'est ça, oui, ouais, je crois que c'est ça. Oui. Un grand chauve noir. Oui. Voilà, et donc je suis arrivée comme une bombe dans le petit salon. J'ai fait irruption dans la salle où la journaliste était en train de l'interviewer. Je fais, ah pardon, non, je cherche quelqu'un, pardon, excusez-moi. Et puis ça va? Ah ben écoute, ça va. Okay. Tiens, je te donne... voilà. Alors, ah mais ça, je l'ai. Alors, c'est pas la même chose. Je t'ai mis d'autres titres, en fait. Okay. Bon, j'ai remis un titre phare qui est « Tu me fais chez bordel okay. », mais j'ai remis « La camionnette verte ». J'ai cru comprendre que tu l'avais bien aimé l'année dernière quand tu l'avais écouté, qui a été un peu arrangé, et une nouvelle qui s'appelle « Délivrez-moi du mal okay. ». Donc voilà, avec le petit flyer, il y a tout le site internet, toutes les adresses, etc. Excellent. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, merci. Ben, merci à toi de ne pas m'avoir oublié. Non, en ben un non, an, là, et puis... aucunement, grâce à Internet, on reste en liaison. Enfin, hein, c'est ça qui est extraordinaire, malgré 6 heures de distance en avion. Combien? 6 heures. 6 heures? Mais c'est 6h30 pour retourner. D'accord. À cause des vents. Ouais. D'accord. Ben oui, nous sommes rencontrés grâce à Alexis. Oui, je sais Blanqui, plus, c'était au Café Fou. Oui. Moi, je t'ai vu au Café Fou, oui. Ben, c'était venue, sur la péniche. Sur la péniche, au Café Fou, oui, tout à fait. Et donc, voilà. Mais toi, tu as commencé très, très jeune à t'intéresser à la musique. Moi, j'ai... pour te dire la vérité, comme j'ai pas du tout envie de tricher sur mon âge, j'ai 39 ans. Ok. On m'a souvent dit que je ne les faisais pas. Donc, j'en ai 45, donc. Tu les fais pas. Voilà. Non. Donc j'ai 39 ans et je chante depuis que j'ai 16 ans, 15-16 ans peut-être. Ok. Donc effectivement, oui, ça m'est venu très, très jeune. Enfin oui, ça m'est venu très jeune et je ne me voyais pas faire autre chose qu'une activité artistique de toute façon dans ma vie. Que ce soit dans la musique, dans le cinéma, parce que j'étais comédienne aussi. Ok. Voilà, dans le théâtre, dans travailler, dans n'importe quoi, pourvu que ce soit dans l'artistique. Okay. Voilà, pourvu que ce soit dans l'artistique, dans l'événementiel, dans l'organisation d'événements, dans les défilés de mode, dans les vernissages. Dans le spectacle vivant. Dans le spectacle vivant, voilà, exactement. Mmh. Pourvu que ce soit dans la musique, ou, voilà, dans tout ce qui était artistique, en fait. Et voilà, je me suis jamais vue travailler dans autre chose que ça, finalement. Mais financièrement, est-ce que c'est difficile, oui? Oui, bien sûr. Surtout que tu ne fais pas beaucoup de concerts à l'heure où on se parle. Alors, le dernier concert que j'ai fait, donc le dernier gros concert que j'ai fait, c'était en janvier dernier à la Seine-Bastille. Donc, c'est quand même une belle salle, hein, parce que c'est quand même 300 personnes et c'était plein. Okay. Donc, j'étais super ravie et ça a permis à un public qui ne me connaissait pas de découvrir en fait mes morceaux, quoi, ma musique. Et donc, on a eu des très, très bonnes retombées. Là-dessus et je suis très contente parce que du coup ça élargit un peu la palette des gens qui me connaissaient pas et qui adhèrent à ce que je fais et qui aiment bien. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que c'est important de se faire connaître avec des gens que tu connais pas, même si des fois le public parisien est un peu frileux. Il y a beaucoup de choix aussi à Paris. Non, mais il y a beaucoup de choix à Paris. Actrices, chanteurs, chanteuses. Il y en a énormément. Ça fourmille. D'ailleurs, vendredi, je t'invite à venir avec moi et Stéphane, si tu es sur Paris. On a une amie qui nous vient de Montréal, qui chante, qui fait un hommage à Barbara. OK. Et qui chante du Barbara. Qui est québécoise. Elle est pas québécoise à la base. Elle est de Paris, mais elle est partie là-bas faire ses études. Elle a attrapé le virus et elle est Puis elle rend hommage à Barbara. Elle fait un hommage à Barbara, elle joue au piano et elle fait les textes de Barbara, c'est très joli. Et son nom ? Sarah. Sarah Roubato. Ok. Voilà. Okay. Tu sais, il y a quel endroit ? C'est à Charonne, c'est pas très loin d'ici. Okay. C'est vers Bastille, le okay, Dreux Rollin, oui, oui, oui, tout ça. Oh, oui, je serai ça à côté. Oh, je te donnerai l'adresse oui, sur, oui, okay. Voilà, sur Facebook ouais, et tout ça. Exactement. Et puis, je te redirai. Okay. Voilà. Et, ton micro. Pardon ? Il est marrant ton micro. Oui, mais il est plus marrant quand tu enlèves le poussinot. Je vais te le montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. C'est vraiment. Ça, c'est impressionnant vu de l'intérieur. Le coussinot ouais. cache tout le. Mais toi, ce qui t'intéresse aussi, là, c'est le musical, c'est la comédie musicale, c'est danser, chanter. J'ai fait partie d'une troupe, en fait, de comédie musicale où on était amené à. Ce qu'il y a de bien dans les comédies musicales, c'est que tu fais les trois choses. Tu oui. joues la comédie, tu danses et tu chantes. C'est vrai. Donc, t'as vraiment les trois choses qui sont réunies, même si je suis pas danseuse. Enfin, je suis pas danseuse professionnelle, hein, dans les... As-tu choisi un professeur pour te diriger un peu vers la danse ou... Alors, la danse, j'en ai fait pendant 8 ans. OK. Après, j'ai complètement arrêté parce que plus le temps, puis financièrement... pouvoir se payer des cours de danse aussi, ça coûte quand même cher, surtout sur Paris. Ouais. Tout est très cher à Paris. Ouais. Et je t'avoue qu'avec l'éclosion de toutes les émissions de télé-réalité qu'on a en France... Voilà, les gens se sont mis à monter des écoles de comédie musicale, de chant, de comédie, de danse pour avoir des sous. Ouais, et ouais, donc, ouais. Ça devient un truc... faut absolument passer par une des écoles de je ne sais pas qui, Richard Cross ou je ne sais pas qui, professeur de chant, pour pouvoir espérer un jour... Voilà. Donc c'est vrai que comme ça se standardise et ça se banalise et ça se... Tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde joue la comédie aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. À des degrés plus ou moins différents. Et plus ou moins réussi. Et plus ou moins réussi. Du coup, ça m'est apparu comme quelque chose de... Du coup, ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse plus, mais si je fais quelque chose aussi bien en comédie, en chanson, je fais mon truc. Voilà, et je me préoccupe pas de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas à côté, j'en ai rien à foutre. Le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Journaux dans les magazines, à la télé, dans les vitrines, le sexe. Dans l'aventure et dans la routine, le sexe, le sexe. Dans la fraternité, la guerre. Dans les cavernes et dans les livres, le sexe, le sexe. Tu sais ce que notre corps subit quand on fait l'amour? Les pupilles se dilatent, les artères se contractent, la température augmente, le cœur s'emballe, la pression artérielle grimpe le plafond. La respiration s'accélère et devient haletante. Le cerveau envoie des impulsions électriques dans tous les sens et des sécrétions jaillissent de toutes les glandes et les muscles se tendent et se glissent. Chez les riches, chez les animaux et les débiles, le sexe. À la campagne et à la ville, le sexe, le sexe. Dans la folie, dans la déprime, dans les tueries, dans

Ça va bien? Oui, ça va bien. Ah non, pas cet écho-là, madame. C'est trop comme ça. Hein? Oh, c'est merveilleux. Comme le mentionnait Jim Morrison, dit-il en se léchant les babines, « Je me lèche les babines parce qu'Hervé's est là. » Les gens ne savent pas ce que tu veux dire par Hervé's. Dites pas ça. Les grands connaisseurs, comme les petits Joe connaissants. Y en a-tu des petits Joe connaissants dans notre temps, dans notre environnement? Des êtres nuisibles. Des gens disent « Ah, oh, je le sais, moi, je le sais, je le sais. » Ben voyons! Explique-moi pourquoi la Terre tourne. « Ah, oh, je le sais, moi, c'est facile, je le sais, moi, c'est... Tu sais rien! »« Je le sais, ça tourne, ça tourne. » Pourquoi ça tourne? Parce que ça tourne. Si ça veut un jour y tenter de pas tourner, elle tournera pas. Mais je suis, oui. Mais c'est pour ça que j'aime ça, d'être comme ça. J'aime ça. Tu aimes quoi? J'aime être comme ça. Un incompétent intellectuel? Exactement. On peut bien rire, on peut bien pleurer. Ça fait des bonnes émissions, hein? Oui. Êtes-vous en train de rire ou pleurer? Les deux, c'est des... J'engloutis mon chagrin dans un bonheur universel. Si vous voulez la recette, prenez un papier puis un crayon. Mais je vous conseille le crayon avant le papier, parce que vous pouvez capter ça sur votre main. Capter les mots. Il y a des langues dans votre crayon? Moi, il y a des larmes. Oh, mon Dieu! Des vrais? Des très vrais. Qu'est-ce que tu as fait? Je dois vous expliquer qu'actuellement, je vis des allergies intenses au niveau de la népale. La népale, ça, c'est la jugulaire en dessous de la narine gauche. OK? C'est celle qui centre le plaisir au désir. C'est bon, je viens de perdre trois quarts de. Encore là, 80% des auditeurs parce qu'ils n'ont pas une formation médicale. Je vous conseille de prendre vos cours sur goggle.fr, médicamental FM. Il y a de la belle chanson. Ah, oh, je suis malade. Y a. Donne-moi des médicaments. On ne peut pas y nommer de médicaments. En parlant de médicaments. Comme le mentionnait Jim Morrison. Hey, ça, c'est un être médicamenteux. Oh! Il te soufflait des mots, là, pis tu étais comme. Belle. Je vais avec d'autres journées. Des ondes de Paris, des ondes juste ici, derrière, devant, de tous les côtés. Jim Morrison est passé devant moi. Les vapeurs aussi. Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus... Ça, c'est Jim qui disait ça, là. En 1974. Au grand spectacle qu'il a offert avec ses amis des portes. Non, c'est des fenêtres. Madison Square Garden. Il a dit... Errance Rénaldienne, l'élimination de la brunette de laquelle vous êtes marié. Après ça, on lui a fabriqué une prothèse dentaire. Ça allait très bien. Ah, ouais, c'était merveilleux. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Tout était dans la prothèse. Ça, il l'a appris après bien des années d'errance. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami à manger des sacs d'ordures. Le plastique, c'est dur au début, mais ça devient mou à la fin. Parce que ta dent ne résiste plus. Elle flanche. Il te reste plus de dents. Tu manges sa gencive. Ben, c'est bon, hein? C'est un restant de patates, ça? Mais non, c'est un livre d'Arthur Rimbaud. Ah oui, il y a des mots... il y a des usurpations. Et tu, voyons donc, c'est de la poésie. La poésie d'Arthur Rimbaud. Voici mon petit guetant. Oui, j'ai appris pour l'école une chanson d'Arthur Rimbaud. Ouais, mais c'est pas des chansons, c'est des poèmes. Un poème-chanson. Poème-chanson? Oui, ma mère m'a dit que Léo Ferré avait fait des chansons sur des poèmes d'Arthur Rimbaud. Pardon? Ma mère a fait de Rimbaud d'Arthur Rimbaud. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit là? Mais non, il veut dire que sa mère lui a proposé des textes d'Arthur Rimbaud à travers l'œuvre de Léo Ferré. Oui, t'es intelligent. Merci beaucoup. Mais écoute, j'ai une formation universitaire, moi. Quelque part, là, dans mes livres certificats médicaux. Dans ma tête, j'ai tout étudié ça, moi. Ah, à l'envers, à l'endroit. Même le latin. La ténamine, la ténamine, la dévermine, les petites babines, les grosses babines, ils sont vibrantes. Louange à l'air, les bons. Et puis, Ali, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux réciter? Arthur Rimbaud. Oui, le texte. Arthur Rimbaud. Oui, mais son texte. Arthur Rimbaud. Oui, mais... Oui, ça, c'est l'auteur. Arthur Rimbaud. Oui. Excuse-moi, mon petit, là, mais... Le titre? Arthur Rimbaud. Pouvez-vous sortir cet enfant-là? Mais non, hey, t'es-tu mal? Voyons donc. Ce qu'il veut dire, c'est que l'auteur, c'est Arthur Rimbaud. Laisse-moi, je vais lui parler. C'est quoi le titre de ton texte? Arthur Rimbaud. Ouais. On va passer à Bukowski. Merci, mon enfant. Ton nom? Louis. Oh, OK, merci. Merci beaucoup. OK, bonjour. Alors là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Oh, il était génie, le petit. Il faut dire qu'à cette heure-là, un enfant, ça rêve énormément. C'est vrai. Maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-lui nous suggérer, une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. La première phrase. La saison du trot était commencée depuis 2 ou 3 semaines et j'avais dû aller 5 ou 6 fois en perdant foutrement mon temps. Je répète. La saison du trot était commencée depuis 2 ou 3 semaines et j'avais dû y aller 5 ou 6 fois en perdant foutrement mon temps. Ah oui, moi, quand je vais à mon trot, je vais pas en marchant, moi. Je vais en trottinant. Là, ma trotteuse était coincée dans l'horloge. Là, j'ai dit à la grosse, « Ah ouais, amène la petite! » Mais là, elle dit, « La petite est même plus lente, hein? » Oui, je roule plus vite, mais la trotteuse, elle roule, elle, là. C'est comme un petit hamster, là. Ouais, mais là, c'est au trot qu'elle va. Ah, de seconde en seconde, là, laisse-toi aller. OK. Je me laisse aller. Ça passe à rien. Mais non, mais c'est normal. Pourquoi? Mais t'es pas sa petite aiguille. Mais là, tu m'as dit sa petite aiguille. Non, la trotteuse. Oh, tu es trotteuse. C'est là son défaut. Que faisait-elle? Du froid d'autant-elle? Dit-elle à sa bretelle. Sa bretelle pendait, ne vous déplaise. Elle montait le long de son pullo vert, de pullo vert, son gaminet, et se disait, est-ce un chandail de CKRL? Fais-je plaisir à ma station de radio? Quoi? Fais-je? Puis-je faire plaisir à ma station de radio? Ben, qu'est-ce que tu dis là? Tu perds ton français. Mais mon français, mon champion, je l'ai lâché en parachute, au-dessus de l'arc de Piponce. L'arc de Piponce, pour les gens qui ne connaissent pas l'arc de Piponce, là, c'est dans le désert du Brahma. Puis là, c'est pas... les gens vont se dire, ben oui, mais là-bas, hein, t'as faim, t'as soif, t'as pas mangé, tu vois des mirages. Pas de mirage là-dedans. Tout est entre tes deux oreilles. La société t'a fait croire que si t'as pas tout ça, tu vas avoir des réflexions bizarres, des visions, des apparitions. Mais écoute donc, que fais-tu? Je trotte, mais moi, tu sais, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Voir les chevaux trotter, trottiner, je veux même pas miser sur Lucky Bedon. Oh, Lucky Bedon. L'histoire de Lucky Bedon, ils l'ont fait manger pour qu'il soit le plus lent au monde. Il s'appelait Seven avant. Seven, c'était chanceux, là, pas un cheval. Quoique, c'est chanceux juste pour le cheval. On a parlé des l'émission avant, pas l'émission, le saignement. Hey, arrête, j'ai mis un bandage, ça saigne-tu encore? Mais non, le saignement, l'improvisation avant celle-là. Il saignait pas, j'espère. Voyons donc, les ambulanciers vont arriver. Je n'ai pas les moyens d'en embarquer, moi, là, c'est 175 $. Quoique ça va prendre 25 minutes avant qu'ils viennent. Ils connaîtront pas l'adresse. Moi, j'ai le GPS là, qui peut GPS partout. Moi, je peux les envoyer n'importe où. Ça brouille les radars. Oh, puis à 3 heures du matin, ça brouille bien du monde. Oh, ça vaut la peine d'avoir ça. Le brouille radar 2013. Oh. Dépêchez-vous parce que le 2014, là, ça risque d'être beaucoup plus fort. préparez-vous là-dessus, tu sais, des petites affaires, des petits brouillages techniques, là. Tu dis à ta douce chérie, hey, je suis pris, là, au pont. Je sais, il est 2 heures du matin, mais il y a un embouteillage monstre. Ils font des rénovations. Mais voyons donc, j'écoute ça à la télé, puis à la radio, puis ils disent pas. Ouais, mais écoute, c'est KRL, là. Ben non, c'est le malade. C'est le malade? Ben oui, c'est Rénal le malade. Ah non, là, ça. C'est pas bon pour ta santé rénaldienne. Oh, tu me l'as dit hier. Ben oui. Je prépare tout le monde, là, moi. Je les appelle un après l'autre, là, le mercredi. Allô, Rita? C'est le frère à l'air. Écoute pas de cette émission-là, c'est un malade. Ça va t'amener dans des sentiers, là, que tu pourrais même plus revenir, là. Comment t'appelles ça? C'est sens unique. Tu comprendras même pas. Tu vas avoir peur. Il va faire noir. Tu n'auras rien à manger, rien à boire. Tu vas juste avoir tes vêtements, puis encore là, tu vas les bouffer, croyant subsister jusqu'à la saison prochaine. Puis là, jamais de saison prochaine, parce que cette émission-là s'arrête jamais. Ça roule depuis je sais pas combien d'années. Printemps, été, automne, hiver. À tous les vendredis minuit. C'est un cauchemar. Je l'entends, je le vois partout. Sur mes rideaux, je le vois. Sur ma radio, je l'entends. Oh. Puis là, j'ai téléchargé ces émissions, moi, le malade. Là. Je lui ai dit, je vais peut-être comprendre, il n'y a rien à comprendre. Moi, le trou, là, puis le trottine, puis la babine, puis la ruine babine, là. Le titre de Pikowski, c'est « Encore une fois de chevaux ». Hein? Encore une fois de chevaux? Ah! Oh, encore une histoire de chevaux! Malheureusement, t'as pas de... Si, j'en ai, mais les vacances, ça tourne toujours... Les vacances, ça tourne toujours autour de l'artistique. On n'a pas... Des vacances où tu ne fais rien, dans le métier qu'on fait, ça n'existe pas réellement. Alors que j'adore ça, hein, de rien faire. Hein. Ah ouais. Mais même quand tu fais rien... Tu fais quelque chose parce capable, que t'es en pleine création. Tu cogites tout le temps et je suis capable d'écrire un truc sur l'oisiveté quand tu fais rien. Mais surtout que tu peux côtoyer des gens de musique, de littérature. De... Ça, c'est très important pour moi, ouais, d'avoir... On a des, est-ce que tu poses tes albums à des gens, des producteurs, des réalisateurs que tu peux rencontrer lors de soirées, d'événements? Tu peux genre pousser tes albums? Ouais. J'ai toujours un CD avec moi où j'ai toujours un flyer... Et s'il y a moyen de chanter quelque part, s'il y a un piano, s'il y a un pianiste, bah tiens, on va pousser la chansonnette. Okay. Voilà, oui, effectivement, on allie un peu l'utile à l'agréable. Et, Est-ce que plusieurs qui travaillent avec toi savent que tu es dans le milieu musical ou, Oui, tout le monde, okay. Tout le monde le sait. Okay. Même les agences avec qui je bosse dans le milieu de l'événementiel ou quand on me propose de faire un remplacement en entreprise dans une société de presse parce qu'une thèse est partie en vacances, etc., je le fais, mais je leur dis, voilà, ça dépend des horaires parce que moi, j'ai des séances d'enregistrement après. Okay. Donc, tout le monde sait, je le dis à tout le monde. Que bah, pour tout le monde, en fait, je suis ma vie, c'est la musique et je suis chanteuse. Avant tout, bar, avant tout. Okay. Exactement. Et, mais j'ai pas de problème à dire, j'ai pas de problème ni aucune honte. Je pense que ça me décrédibilise absolument pas de dire que je travaille aussi de temps en temps à côté dans un domaine événementiel. Bah, il faut bien payer. Il faut bien. Et puis, j'ai aucun problème à le dire parce que pour moi, c'est quelque chose de normal. Oui. Mais les gens savent très bien que voilà, ton premier amour et ton premier métier, c'est la chanson, mais que tu es obligé des fois de faire autre chose à côté pour pouvoir terminer justement ton album. Parce et que ça coûte cher aussi faire de la musique. Ça peut coûter cher, ouais. Et quand tu fais un spectacle, les musiciens sont très souvent très peu rémunérés ou même jamais rémunérés. Là, après, quand tu as trouvé des bons musiciens et des partenaires qui croient en ce que tu fais, qui sont d'accord aussi pour être pas trop payés, ouais, ou faire un showcase où ils vont pas l'être du tout, mais que ça va aussi leur rapporter peut-être des connaissances ou des connexions, une visibilité parce qu'on aura filmé, parce qu'il y aura eu une prise de son, parce qu'on va le mettre sur internet et qu'on va faire les crédits. Pendant l'événement, on va citer tout le monde. Oui, c'est bien. Voilà, il y a pour un échange. Pour le respect des musiciens. Exactement. Tu ne les payes pas beaucoup, mais au moins tu les présentes. Exactement. Il y a un échange. Et nous, c'est vrai, avec Stéphane, sur Best Even, on fonctionne énormément comme ça. C'est ton impresario? Steph, oui, c'est mon manager aussi. Ouais. OK. On fonctionne énormément comme c'est ça. C'est celui que j'ai rencontré l'année dernière. Oui, et c'est celui qui m'a appelé. Mais tout à l'heure, oui, okay. Il m'a dit oui, parce que j'arrivais pas à te joindre, ouais, en fait. C'est ça, tu n'avais pas le code régional. C'est assez lent, c'est une douzaine de J'ai essayé, mais j'arrivais pas, ça coupait, je fais mince. Non, je mais c'est bien parce que, en fait, c'était de moi à lui et de lui à toi. Oui. Donc, c'était une trilogie. C'est passé par. C'est ça, un triangle. Et il m'a dit, il m'a rappelé après en disant, mais il est là. Je fais, ah bon? Mais oui. Oui, c'est ça. Et oui. Mais là, tu travailles actuellement. Est-ce que la voix est posée sur l'album ou si... Alors, après, c'est les arrangements. OK. Mais là, à l'heure où on se parle, pour ton album, tout est en place. Il reste juste à mixer. Oui. Alors, la voix est placée, tout est... Alors, la voix... Il y a peut-être deux, trois titres où je vais refaire les voix parce que là, c'est moi qui veux, parce que je ne suis pas spécialement satisfaite. Quand j'entends un truc qui ne me plaît pas, en général, je fais non, là, ça ne va pas, on va le refaire. Mais es-tu une insatisfaite? Es-tu quelqu'un qui a de la difficulté à dire OK, on arrête pour enfin passer à autre chose? Oui. Non, j'ai pas de difficulté à dire ça parce que le mieux est l'ennemi du bien. Quand tu tiens quelque chose où tu penses que c'est bien, où tu dis là, ça sonne. Là, on ne va plus toucher à rien parce que sinon, après, ça va déséquilibrer. Ça va... Là, on laisse comme ça. C'est bien comme ça. Faut savoir s'arrêter aussi. Oui, voilà. Ben oui, sinon, c'est perpétuellement. Le problème, c'est que tu peux faire un arrangement sur un morceau. Tu peux le faire 10 fois, 15 fois. En travaillant trop, quelquefois, c'est plus ressenti. Exactement. C'est trop synthétique. C'est trop. Ouais. Faut pas faire une overdose d'un seul morceau. Et toi, tu fais dans la web, tu fais dans la variété française, la pop, le rock. J'estime que c'est... On a appelé ça pop mood. Parce que il y a, une majoritairement. Mais est-ce que ça existe réellement, la pop mood? Ben oui. Okay. Depuis qu'on l'a créée, oui. Oui, ben oui. Ok. Alors tu es la seule sur ce paysage. C'est ça? Mais il y en aura d'autres, j'espère. Okay. En tout cas, j'espère. Mais en tout cas, est-ce que tu connais des artistes connus qui disent qu'ils font de la pop mood? Ben, ou qui s'associent un peu à ton style? J'ai vu que le terme avait été repris sur Internet depuis qu'on l'a créé. Ah oui? C'est en train d'être repris un peu, ouais. Et ça me fait plaisir et en même temps je me dis... Non, c'est pas mon style, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu lancer comme mode. On n'essaye pas de me le piquer. C'est ça. Alors c'est une mais mode. Mais c'est pas grave, okay. c'est une espèce de... sans le faire exprès, parce qu'on a, on a lancé ça, parce que c'est ce qui me correspondait mieux. C'est-à-dire que dans mes morceaux, tu me fais chez bordel, bon ben voilà, il y a des cuivres. Ah, c'est celle que j'ai entendue l'année dernière. Tu l'as entendu, oui, tu me fais chez bordel, il y a des cuivres dessus, c'est assez rapide, c'est assez dansant et... C'est un coup de gueule contre les garçons, la vie de couple, etc. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dedans et qui m'ont dit « Mais attends, mais tu racontes ma vie, là ?» Et le morceau d'après, bon, bah, sur la camionnette verte, c'est l'histoire d'une prostituée. Donc, ça peut vraiment aller avec un côté très instrumental derrière, avec du philharmonique, etc. Donc, c'est pour moi, c'est de l'humeur. C'est-à-dire que je vais m'habiller en rose un jour pour chanter tel morceau et je vais m'habiller en noir l'autre jour parce que ce sera un peu plus dark et un peu plus J'essaie d'explorer toutes les facettes de l'individu, le yin et le yang, le côté humoristique, le côté un peu sombre et dramatique dans les morceaux. Je pense que c'est pas incompatible et qu'on n'est pas obligé de rester sur un même fil trop linéaire, de se cantonner à un style et à un truc bien précis. Je sors du cadre, mais sans sortir du cadre. Ce que j'exprime, c'est des changements d'humeur et un côté lunatique ou un côté, je sais pas. Est-ce que tu fais partie... C'est ça qui me plaît. OK, c'est bien. Est-ce que tu fais partie des féministes ou au contraire, tu te revendiques femme moderne? Je pense pas être féministe du tout. Est-ce que tu considères plus fille ou femme? Parce que femme, ça engendre beaucoup plus de responsabilité. Une fille, ben c'est un peu plus... Parce qu'Alain Souchon se dit garçon et non pas homme. Alors, tu peux pas le dire... Ouais. C'est un éternel adolescent. C'est ça. Oui. Ouais. Je sais pas. Je pense que du fait que j'ai un enfant aussi, je suis forcément femme et mère et responsable. Mais j'ai un gros côté fille aussi. J'ai un gros côté fille dans mon côté femme. Il faut être un peu fêlé pour être créatif. Dans le monde de la création. Dans le monde de la création. Il faut aimer le vertige. Oui, exactement. Faut aimer la prise de risque, l'insécurité mentale. C'est-à-dire? Ton côté de ma façon peut-être de parler des folle, choses qui peuvent un peu choquer. OK, parce que tu te considères provocatrice? Si je le suis, je le fais pas exprès. C'est dans ma façon d'être. Donc, j'ai peut-être un côté provocateur, oui, un côté impolitiquement correct. Okay. Un peu anarchiste, non? Non, anarchiste, non, je pense pas, non, non. Je suis assez... je crois pas, non. Parce qu'anarchiste, j'impose rien. Enfin, je vais rien imposer à personne. Okay. Chacun peut se retrouver de manière différente dans ce que je fais ou pas. Là, tu vois ce que je porte aujourd'hui. Oui. Hommage à l'Angleterre ou au Rolling Stone, je sais pas. C'est pas une tenue d'une femme de presque 40 ans. Mais ça, parce que c'est ce qu'on dit, ton en âge n'est pas affiché. Donc, mais mon âge n'est peut-être pas affiché sur mon front, mais c'est comme ça que j'aime m'habiller de temps en temps. C'est l'humeur du moment et l'envie du moment. Thank you. Alors comme ça il paraît qu'on va tous mourir, ou alors qu'on va tous se faire engloutir, qu'on va se manger les tremblements de terre, des tsunamis dans le Finistère. Tout ça va finir dans une inondation, plus de pognon, de mondialisation, se faire bombarder par des volcans, se morfler des bouts de lave dans les dents. Oh baby baby baby, on va en profiter, on va aller à l'hôtel sans payer, on va s'inscrire à la fac sans y aller, on va même baiser sans se laver. Et tout ce que t'as voulu faire avec moi, on va le rajouter à ce que je voulais. Toi c'est plus le moment d'écouter du blues, c'est la fin du monde de 2012. La fin du monde est bien trop tôt, j'ai à peine de payer mes impôts, je viens d'avoir le mec de Pôle emploi. Il m'a donné rendez-vous dans 6 mois. J'ai été depuis longtemps super trop sage, il est temps que j'arrache ton corsage. On va faire l'amour comme des rats et on va défoncer le matelas. Oh baby baby baby, on va en profiter, on va aller à l'hôtel sans payer, on va s'inscrire à la fac sans y aller, on va même baiser sans se laver. Et tout ce que t'as voulu faire avec moi, on va le rajouter à ce que je voulais. Toi c'est plus le moment d'écouter du blues, c'est la fin du monde de 2012. Baby, baby, baby, on va en profiter, on va aller à l'hôtel sans payer, on va s'inscrire à la fac sans y aller, on va même baiser sans se laver. Et tout ce que t'as voulu faire avec moi, on va le rajouter à ce que je voulais. Toi c'est plus le moment d'écouter du blues, c'est la fin du monde de 2012. C'est un hommage au Rolling Stone. Et c'est mes... Ah, peut-être, oui, je sais pas. C'est mes chaussures porte-bonheur que je portais à la Seine-Bastille en janvier. Donc okay. Je les mets... Ça va bien avec l'enceinte. Bah ouais, et voilà. Et demain, je pourrai être habillée en talons, en tailleur. Ça correspondra à mon humeur. Alors du c'est jour, au lever. Au lever, tout peut s'installer. Oui, j'estime qu'il ne faut pas se cantonner dans quelque chose. J'estime qu'il ne faut pas se... Je ne sais pas comment expliquer. S'enfermer dans un style ou s'enfermer dans une manière de penser ou dans une manière d'être. Bien sûr, tu peux avoir une ligne directrice de par ta moralité ou dire non, ça, j'aime pas parce que avoir une droiture, voilà. Avoir une droiture d'esprit. Une direction. Une direction, une justesse. Et sans pour autant te fermer à des choses qui au début ne te correspondent pas vraiment, mais il faut avoir la curiosité. C'est ça, la création, c'est d'aller voir ce qui se passe. D'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'avoir une certaine curiosité. Et de se remettre en question. Oui, complètement. Et de se remettre en question et d'avancer. Et ça te fait mûrir aussi, ça te fait avancer. Et malgré, tu travailles depuis quelques années, de 15 ans, 15-20 ans la chanson. 15 ans pour 20 ans. Ben oui, 15-20 ans la chanson. Oh oui, 20 bonnes années. Est-ce que tu sens une certaine, un changement ou une direction ou une... Dans la chanson française? Ouais. Non, mais dans ta chanson à toi, est-ce que tu sens la modification? Au contraire, tu suis un chemin, un passage, ou si tu vois que ta musique reste à peu près dans les mêmes créneaux? Est-ce qu'il y a une évolution? Une évolution musicale, tu veux dire par rapport à moi-même? Oui, oui, oui, ou ce oui, que j'ai toi. Envie ou par rapport à ce qu'on entend? Depuis 20 ans, depuis que tu fais de la chanson, est-ce qu'il y a une évolution? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Là l'album que je fais, là, sur lequel je suis vraiment depuis maintenant 4-5 ans, avec toutes les chansons qu'on a élaborées avec Jonathan, c'est vraiment mon deuxième enfant, quoi. C'est vraiment ce qui me correspond vraiment le plus. Parce qu'avant, j'ai fait plein de trucs. Avant, est-ce que tu visais un album ou tu visais juste la scène? Il y a 4-5 ans? Avant, il y a 4-5 ans, j'ai écrit énormément de choses. J'ai écrit des textes. J'ai écrit des textes en espagnol. J'ai fait de la dance. Français, anglais, espagnol? En espagnol aussi. Non, mais tu parles français, anglais, espagnol? Oui, bien sûr, oui, oui. Ah oui, ça c'est très important pour moi de pouvoir écrire dans les trois langues si j'ai envie, parce que ça dénote aussi le fait de pouvoir s'exprimer dans plusieurs... Enfin, c'est important, quoi. Est-ce que tes parents sont espagnols? Oui. OK, ta mère, ton père, les deux? Ah oui? Les deux, oui. OK. Les deux, oui. Et t'es né en Espagne ou... Non, je suis née à Paris. OK. Née à Paris. Eux sont nés en Espagne. Oui. Chacun dans un pays, dans une région différente d'Espagne. Et se sont retrouvés à Paris. Ils se sont connus à Paris. Donc c'est rigolo, quoi. Oui, c'est merveilleux. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer quelque part. Oui. Et donc, du coup, ils se sont rencontrés... En fait, t'es une pure parisienne. Ben, je suis née à Paris. C'est vrai que j'ai toujours vécu à Paris. Les amis, l'école, l'éducation, voilà, c'était parisien dans le quartier latin. C'est Saint-Germain-des-Prés. Oui. Mes parents habitent là-bas, donc... J'ai ma vie, j'ai toujours eu ma vie. Qu'est-ce qui te plaît ici à Paris? Alors, Paris, je suis une espèce d'enracinée à Paris parce que j'adore cette ville. J'ai des super souvenirs de jeunesse à Paris avec mes folles années. De débauche et de dévergondage. Oui. Il n'y a pas si longtemps. C'était hier. Hier encore, j'avais 20 ans. Voilà. Et j'ai des super bons souvenirs. Et c'est vrai qu'en même temps, j'ai la curiosité d'ailleurs, parce que Paris, j'adore, mais parfois, c'est pesant. C'est une ville très pesante. Oui, très agitée. Très agitée, très stressante. Et j'ai envie des fois d'un peu plus de zénitude, d'un peu plus de simplicité. En campagne? En campagne, j'adore la campagne, j'adore la mer, j'adore... Tu n'as pas un endroit où tu peux te recueillir dans un endroit plus éloigné de Paris ou... Au bord de la mer, si. On peut. On a des amis musiciens qui ont des... moi, j'ai pas de maison à la campagne, à moi ou au bord de la mer, mais j'ai des amis qui sont en bord de mer, du côté de la Normandie, Noirmoutier, tout ça, un peu plus bas. J'ai visité quelques coins qui sont vachement apaisants. Où ça marche à deux à l'heure et tu freines un peu, quoi. Tu lèves la soupape. Tu lèves la soupape un peu et tu respires parce que... Est-ce que éventuellement tu prépares une chanson qui va rendre hommage à Paris ou... Ça a été fait, ça. Oui, alors, mais avec un angle, avec ton angle personnel. Avec mon angle personnel. Tu sais que dans les films d'amour, tout a été fait, puis on en fait encore des films d'amour. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'y ai pensé, écrire sur Paris, mais... Je sais pas encore. Ou peut-être ton quartier, Agnès Bill a écrit, je sais pas si tu connais la chanteuse Agnès Bill. Non. OK, elle a écrit un monologue pour Guy Bedos. C'est une chanteuse, mais Guy Bedos aime bien les chansons qu'elle fait. Elle a un côté sarcastique, humoristique. Oui. Et pour sa dernière, parce qu'il prend sa retraite, le cher Bedos, donc il a pris un texte de Agnès Bill. Donc, elle chante très bien, elle menait le montant, son petit patelin, son petit coin. Alors, pourquoi pas, ouais. Toi? Ben, Saint-Michel, peut-être. Alors, Saint-Michel, ouais. Saint-Germain, parce que c'est vrai que Saint-Germain-des-Prés, ça a été le côté très bobo qu'on a à Saint-Germain-des-Prés, très arty, parce que c'est vraiment un quartier d'artistes, peintres, galeristes, écrivains. Ouais. On a les deux magots à Saint-Germain-des-Prés, c'est Simone de Beauvoir, c'est Sartre. Mmh. On a la brasserie Lippe avec Hemingway, il allait boire ses bières là-bas. Enfin, qu'on sent encore cette aura-là? Pas trop, justement. C'est devenu un peu luxe, touristique, avec les magasins quartiers qui ont ouvert partout, les petits bistrots qui ferment et qui laissent l'ouverture à des magasins de Giorgio Armani partout. Donc il y a un côté... C'est dépersonnalisé, exactement. Et moi, j'aime bien l'ambiance village. Okay. J'adorais l'ambiance village qu'il y avait à Saint-Germain avant, avec la rue de l'Abbaye, les petites galeries de peintres, le petit café de la place, avec les serveurs qui étaient habillés avec le béret. T'aimes bien le côté traditionnel. Où tu vois les amis, tu dis bonjour à ton boulanger, à ton boucher. J'aime bien ça. Et je suis... un peu plus réticente aux grandes avenues comme l'avenue de l'Opéra ou les Champs-Élysées. Impersonnel, très touristique, très bourge. Et je dis pas que je n'aime pas le luxe, mais mon luxe à moi, c'est de pique-niquer avec des amis, avec une bonne bouteille de vin et de la bonne bouffe. Est-ce qu'on peut pique-niquer à Paris? Il y a des endroits pour okay, ça, oui, okay. Bien sûr, oui, oui, oui, il y a des endroits, parce que ce n'est pas le meilleur endroit où pique-niquer, hein, c'est non. sûr, mais il y a des endroits, oui. Il faut ça. Aimer les vapeurs des, oui, des bagnoles. Oui, bah voilà. Ouais, il faut aimer le bruit, tu vois. Oui, mais c'est merveilleux. Des c'est voitures radio, qui passent. Mais... Au niveau radiophonique, c'est ce qu'on veut. Je rentre le soir, une fois qu'il est bien tard et que je te vois avaler. J'enlève mon manteau, je mets mon tablier. Moi j'ai pas fini de bosser. Je m'affole, tu rigoles et devant mon fourneau, je prépare un hachis parmentier. Si ça te fait marrer de me voir transpirer, ça y est, le dîner est cramé. Tu me fais chier bordel, tu me fais chier bordel, tu ta. Avec ta face de gland qui te va comme un gant, tu peux dire merci papa maman. C'est quand même pas si difficile d'être élégant, d'avoir un peu de style. Tu me fais chier bordel, tu me fais chier bordel, tu ta. Je n'ai pas peur mais je meurs de tes coups de terreur. Le coup de foudre est bien passé. Tu lèches le trottoir, t'as pas fini de boire. Moi je suis prête à te virer. Et quand tu passes la porte, que le diable t'emporte. J'ai juste envie de t'étriper. Tu te sens invincible et tu me prends pour cible. Y'a plus rien qui peut t'arrêter. Tu me fais chier bordel, tu me fais chier bordel, tout ta. Et ta gueule en orteil qui prononce pas les voyelles, tu peux dire merci à ta beauté. C'est quand même pas la mer à boire d'arrêter de picoler dans tous les bars. Tu me fais chier bordel, tu me fais chier bordel, tout ta. Qu'en pensent les gens de tous mes coups de sang quand je suis prête à dégainer? J'ai mon petit caractère, même si j'en ai pas l'air. Est-ce que tu l'aurais pas remarqué? Je ne serais pas satirique si ce soir t'as la trique. Je suis prête à m'abandonner entre tes bras si forts. Mais voilà que tu t'endors et je n'ai plus qu'à fantasmer. Tu me fais chier bordel, tu me fais chier bordel, tout ta. L'amour à la sauvage, on n'a pas passé l'âge, on est trop jeune pour faire naufrage. Parfois les mecs c'est incroyable, sur leurs envies lubriques sont incapables. Tu me fais chier bordel, tu me fais chier bordel, tout ta. Tu me fais chier bordel, tu me fais chier bordel, tout ta. Tu me fais chier bordel, tu me fais chier bordel, tout ta. Je vendais des plaquettes anti-moustiques pour régler mes problèmes de fric. On dirait des petits buvards chimiques, des hosties anti-allergiques. À l'époque où j'avais 30 ans, je remplissais ma tête tout le temps avec des trucs qui donnent de l'espoir, mais t'empêchent de dormir le soir. Je flippais la crainte, c'est bien normal, d'une vie minable, interminable. J'étais au moins aussi mal à l'aise qu'un biker en photo dans une R16. Mais je vous raconte ma vie. Avant ça j'ai connu une femme très belle qui vivait en perfecto chez elle. Elle faisait son ménage en blouson sans savoir à quoi servait le savon. Elle clinait comme une clinique sa boutique, l'aspirateur en avait peur. C'était une maniaque cette cousine et quand elle briquait sa cuisine, elle frottait avec des os à moelle pour que ça brille plus que les étoiles. Mais elle était tendre comme un coup de latte, elle m'a quitté pour un mec de droite. Mais je vous raconte ma vie. Mais encore avant ça, quand j'étais petit, je traînais des collants en garderie. J'avais la même vie que le grand monde, mais en 100 fois beaucoup moins drôle. Je traînais du côté des curés, pas assez du côté des traînés. Ils me racontaient la vie de Jésus, sa mort, et quand il est revenu, moi j'y croyais. Comme j'étais petit, j'avais déjà de la peine pour lui. Si on me racontait ça maintenant, je rigolerais de toutes mes dents. Mais je vous raconte ma vie. Je vendais des plaquettes anti-moustiques pour régler mes problèmes de fric. Avant ça j'ai connu une femme très belle qui vivait en perfecto chez elle. Et encore avant ça, quand j'étais petit, je traînais des collants en garderie. J'avais la même vie que le grand monde, mais en 100 fois beaucoup moins drôle. Mais je vous raconte ma vie. Clair de lune, au gré de la fortune, porté par tous les vents de l'univers. Comme un lampion de fête, au-dessus de ma tête, j'ai vu danser un point de lumière. Oh, oh, oh, ma bonne étoile, dans une petite étincelle accrochée au ciel, j'ai vu un feu d'artifice grand comme un soleil. Et depuis ce temps-là, si j'ai l'air heureux, c'est que tu brilles nuit et jour dans le fond de mes yeux. Tu parles comme on chante, tu marches comme on danse, et tu me portes chance à chaque instant. Et me voilà roi mage, au début d'un voyage qui ne finira qu'à la fin des temps. C'est toi qui m'éclaire. Et depuis ce temps-là, si j'ai l'air heureux, c'est que tu brilles nuit et jour dans le fond de mes yeux. Via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.